بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue cette série de cours dans l'explication du livre de l'unicité. On est arrivé à la parole de l'auteur رحمه الله باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. Et donc l'auteur Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah nous dit chapitre: celui qui obéit les savants et les gouverneurs dans l'interdiction de ce que Allah a rendu licite ou dans le fait de rendre licite ce qu'Allah a interdit, il aura alors pris ces personnes comme seigneur en dehors d'Allah. Il aura alors pris ces personnes comme seigneur en dehors d'Allah. Et donc ces personnes-là, les savants ou les gouverneurs, vont donc montrer l'interdiction de certaines choses qu'Allah a rendues licites. Ou vont montrer la licéité de certaines choses que Allah a interdites. Il nous est interdit de suivre ces personnes-là ou de suivre quiconque en cela. Pourquoi? Parce que, ô cher frère, barakallahu fik, il y a deux attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui sont at-tahlil wa at-tahrim. Le fait de rendre licite et le fait de rendre interdit. Ça, c'est spécifique et c'est propre à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc ça, c'est vraiment un sujet très important à ne pas prendre à la légère. Et parfois, beaucoup, souvent, les gens prennent ce sujet à la légère et certains vont se précipiter. Ça, c'est haram. Ça, c'est halal. Ça, c'est haram. Ça, c'est halal. Alors qu'ils ne connaissent pas. Ça, c'est, cela fait partie des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui décide de ce qui est interdit, de ce qui est légiféré. Ce n'est pas à nous de décider en quoi que ce soit de cela. Et donc on comprend, cher frère, barakallahu fikoum, que dans ce livre, il y a deux points importants, deux fondements de l'islam. Premier fondement, un la yu'abada illallah. Le premier fondement, c'est qu'on ne doit adorer que Allah tabaraka wa ta'ala. Et le deuxième fondement, c'est qu'on ne doit suivre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui va suivre un savant ou un gouverneur dans ce que le prophète, dans une déviance ou sur une autre voie que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette personne se met dans un grand danger. Et donc l'islam est fondé sur ces deux principes. Le fait de n'adorer que Allah et de ne suivre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça qu'à chaque fois on doit expliquer aux gens qui se convertissent. La personne, elle se convertit direct. On lui explique la signification de la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. C'est ça. Le seul à mériter l'adoration, c'est Allah. Et le seul qu'on doit suivre, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la signification de shahadatain, les deux attestations que la personne va faire pour se convertir à l'islam. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, wa limna abbasin. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. Et donc l'auteur nous cite un texte qui a été rapporté d'Ibn Abbas رضي الله عنهما qui dit: peu ne s'en faut que des pierres ne tombe sur vous venant du ciel. Je vous dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous, vous me dites, Abu Bakr et Omar ont dit. Et donc ça, c'est pour Abu Bakr et Omar, les deux meilleurs de cette communauté. Alors que dire de tous ceux qui viennent après? Que dire de tous ceux qui viennent et de tous ceux qui sont en dessous d'eux? Aujourd'hui, on entend, oui, mais l'imam Intel a dit, l'imam Abu Hanifa a dit, ou l'imam Ahmed a dit, ou l'imam Malik a dit, ou... Subhanallah. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, peu importe le savant ou la personne qui prononce une parole, qui donne une fatwa, qui est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons pas le droit de suivre. Il nous dit, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, wa qala l'imam Ahmed ibn Hanbal, عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزير فيهلك. L'imam Ahmed, rahimahullah, il prononce une très très belle parole. Il dit, je suis surpris de certains qui connaissent la chaîne de transmission ainsi que son authenticité. Et donc, je suis surpris de certains qui connaissent les preuves. Ils connaissent la chaîne de transmission et son authenticité. Ils connaissent les preuves. Et malgré cela, ils suivent l'avis de Soufiane. Malgré cela, ils suivent l'avis de Soufiane. Et donc ici, l'imam Ahmed, rahimahullah, il nous cite un des grands savants de l'islam. Un des très grands savants de l'islam. Mais il ne veut pas que ce savant-là. Il ne veut pas que lui. C'est-à-dire, ce qui est voulu, l'imam Ahmed nous cite cela, mais c'est pour tous les savants. Je suis surpris de celui qui connaît les preuves et qui va suivre l'avis de tel et tel savant. Alors que Allah le Très-Haut dit « فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً » أو يصيبهم عذاب أليم سورة النور le verset numéro 63. Que ceux qui contredisent son commandement, que ceux qui contredisent son commandement ou qui s'opposent à son commandement, c'est-à-dire le commandement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils se préparent, qu'ils craignent d'être touchés par une fitna ou alors un châtiment douloureux. Après avoir cité cela, le mot fitna, l'imam Ahmed, rahimahullah, il dit, est-ce que tu sais ce qu'est la fitna? Est-ce que tu sais ce qu'est la fitna? Il nous dit, la fitna, c'est le polythéisme. Il se peut que cette personne, lorsqu'elle rejette certaines de ses paroles, c'est-à-dire certaines des paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y ait une part de la déviance qui tombe, qui pénètre son cœur, et qu'ensuite cette personne dévie. Et donc cette personne, elle entend la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui dit, le prophète a dit telle et telle chose. Et on lui dit, tel imam ou tel savant a dit autre chose. Et la personne suit cela. Et donc elle se détourne. Lorsqu'elle se détourne, il se peut justement que la maladie tombe dans son cœur et que cela cause le fait que la personne tombe dans le shirk après cela. Et le péché qui est encore plus grave. Rappelez-vous la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Lorsqu'ils ont dévié, Allah a fait dévier leur cœur. Et donc ce sujet est très important, les frères. On ne doit pas suivre quiconque. On ne doit pas suivre les gens dans ce qui contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, il dit « Ajma' al-muslimoun ala anna man istabanat lahu sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. سبحان الله. Cette parole, elle est tellement belle. Cette parole, il faudrait l'écrire. L'imam al-Shafi'i a dit: les musulmans sont unanimes sur le fait que celui dont la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui apparaît clairement. Donc celui dont la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui apparaît clairement, il ne lui appartient pas. C'est-à-dire, il ne convient pas. Il ne doit pas. Et donc, il ne lui appartient pas. Le fait de délaisser cette sunna en faveur de la parole de quiconque. Tu n'as pas le droit, lorsque tu connais, lorsqu'il t'apparaît clairement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un sujet, tu n'as pas le droit de délaisser cette sunna pour aller sur la parole d'une autre personne. Unanimité, il nous dit, Al-Shafi'i ajma' al-muslimoun. Les musulmans sont unanimes sur cela. Et donc, il est important de comprendre cette parole de l'imam Ahmed, rahimahullah, ainsi que celle de l'imam Al-Shafi'i. L'imam Ahmed, quand il nous dit cela, ce n'est pas que pour Soufiane Al-Thawri, rahimahullah, ce grand savant, mais c'est une parole qui est générale. Et aussi, le cheikh Ubayd al-Jabiri, rahimahullah, ici dans son explication, il nous cite donc les gens, lorsqu'ils vont se détourner de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur certains points, il se peut que cela les amène à une déviance tellement profonde, donc qu'ils sortent de l'islam, à prononcer des paroles de mécréance. Et ici, il nous cite un exemple. Un des hauts représentants des frères musulmans, des Ikhwan, qui est mort il n'y a pas longtemps, Al-Qardawi. Le cheikh, dans son livre, il ne l'a pas cité. Il n'a pas cité la personne. Il dit, je l'ai déjà cité dans d'autres passages, il n'y a pas besoin que je le cite ici. Et il a cité la parole de cette personne, qui dit, Ana akulu anhum ikhwanun al-mesih, ikhwanin al-mesihiyin. Al-Ba'du yunkiru alayya hadha. Et donc Al-Qardawi qui dit, moi je dis de nos frères, les chrétiens. En fait, il n'a pas dit les chrétiens, il a dit les messihiyoun. Parce que les chrétiens, c'est les nasara. Et déjà, les savants, ils ont déjà dit qu'on n'a pas le droit d'appeler les nasara messihi. Messihi, c'est-à-dire suiveurs du messie. On n'a pas le droit de les appeler comme ça. Parce qu'ils ne suivent pas le messie. Ils ne suivent pas Isa alayhi salam. Le Messie ne leur a jamais demandé de l'adorer. Alayhi salam. Et donc déjà là ici, c'est une erreur lorsque Al-Qardawi il nous dit que donc nos frères, les Messihiyoun. Il dit, certains me font ce reproche. Comment puis-je dire que ce sont nos frères, les Messihiyoun? Certains me font ce reproche. Il dit, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, innamal mu'minuna ikhwa. Certes, les croyants sont des frères. Et donc, ici, il montre une preuve qu'il nous est permis de dire que ce sont nos frères. Allah dit, certes, les croyants sont des frères. Il dit, nam nahnu mu'minun wa hum mu'minuna biwajin akhar. Il dit, oui, nous sommes croyants et eux sont croyants d'une autre façon. Eux sont croyants d'une autre façon. Et ça, c'est une déviance, barakallahu fikoum, parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il n'a pas dit que les chrétiens sont croyants. Il n'a pas dit que les croyants. Hein? Il n'a pas dit des chrétiens qu'ils sont des croyants. Mais il a dit d'eux que ce sont des incroyants. Le code kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Certes, on mécru ceux qui ont dit que Allah est le troisième de trois, etc. Il y a plusieurs versets sur ce sujet. Et donc, on n'a pas le droit de dire que les croyants sont. Que les chrétiens sont des croyants et que ce sont nos frères. Ceux qui sont des frères, barakallahu fikoum, ce sont les croyants. Nous sommes des frères, peu importe nos origines, peu importe nos nationalités, peu importe nos langues, notre religion nous unit et notre religion fait que nous avons cette fraternité. Et donc, ensuite, l'auteur qui nous cite une parole de Adi ibn Hatim, qui dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter ce verset. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ils ont pris leurs savants ainsi que leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah, c'est-à-dire comme divinité en dehors d'Allah. Il dit Adi, فَكُلْتُ لَهُ إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ. Adi ibn Hatim, il dit donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes on ne les adorait pas. Lorsque Allah Azza wa Jal qui parle des juifs, des chrétiens, et qui nous dit qu'ils ont pris leurs savants ainsi que leurs moines comme divinité en dehors d'Allah, ils les ont suivis, donc dans leur déviance. Ici, Adi, il dit, on ne les a pas adorés. On ne s'est pas prosterné pour eux, on n'a pas prié pour eux, etc. Que ce soit les rabbins ou autres, on n'a pas prié pour eux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتُحَرِّمُونَهُ. N'est-ce pas qu'ils interdisent ce qu'Allah a rendu licite et ainsi vous l'interdisez aussi? وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتُحِلُّونَهُ. Et n'est-ce pas qu'ils rendent licite ce que Allah a rendu interdit et ainsi vous le rendiez licite aussi? Kultu bala. Adi qui dit oui, en effet. Alors il a dit sallallahu alayhi wa sallam, fait-il ka'ibadatuhum. Il dit, et ceci, c'est cela leur l'adoration. C'est cela l'adoration. Donc le fait que vous les avez adorés. Et donc il y a parmi les formes d'adoration, les gens ils pensent que l'adoration c'est juste le fait de se prosterner pour la personne. C'est pas que ça. L'adoration, barakallahu fikoum, c'est le fait d'accorder. On a déjà vu le shirk. Le shirk, c'est le polythéisme, le fait d'accorder à autre qu'Allah une des spécificités d'Allah. Et parmi les spécificités d'Allah, il y a le fait de rendre licite et d'interdire. Ça fait partie des spécificités d'Allah. Et donc, celui qui vient aujourd'hui et qui nous dit « l'alcool est licite », c'est licite. Et qu'ensuite, il y a des personnes qui vont le suivre dans cela. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a clairement interdit l'alcool. Quand je dis vont le suivre, c'est pas ils vont boire l'alcool. C'est ils vont dire que c'est licite. Car il y a une différence entre le fait de faire le péché et le fait de dire que le péché est licite. Ce sont deux choses différentes. Celui qui fait le péché, en ayant la certitude que c'est un péché, que Allah interdit cela, mais il est faible. Il aime trop le rhum ou je ne sais pas quoi. C'est sa passion. Cette personne est tombée dans un péché. C'est un transgresseur. Mais cela ne le fait pas sortir de l'islam. Par contre, celui qui va nous dire que l'alcool est licite, lui sort de l'islam. Il sort. Et donc ça, c'est un point important. Même s'il ne boit pas de l'alcool. La personne, elle nous dit que l'alcool est licite. Et elle ne boit pas d'alcool, elle sort de l'islam. Parce que là, tu t'attaques à une des spécificités d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'auteur qui dit, rahimahullah, babu qawlihi ta'ala, le chapitre concernant la parole d'Allah, le Très-Haut, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent avoir cru en ce qui a été descendu sur toi et ce qui a été descendu avant toi? Yuriduna an yatahakamu ila tarut. Ils veulent prendre le tarut comme juge. Ils veulent prendre le tarut comme juge. Waqad umiru an yakfuru bi. Et certes, il leur a été ordonné de le rejeter le tarut. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Et le diable veut les égarer d'un égarement profond. طيب. Premièrement, pour comprendre ce verset, déjà, il nous faut comprendre ce qu'est الطاغوت. الطاغوت est donc كل ما تجاوز به العبد حده. Tout ce qui va faire que le serviteur va dépasser ses limites. Que ça soit une personne qui soit obéie, un gouverneur, une personne qui soit suivie, un savant, une personne qui soit adorée. Et donc, une personne qui va appeler les gens à transgresser, que ça soit dans l'adoration, dans l'obéissance et dans le suivi. Et donc ici, certaines personnes prétendent avoir la foi et en même temps ne veulent pas le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ils veulent le jugement du Tarout, de ce qui contredit le jugement d'Allah. Ils veulent le jugement du Tarout, ce qui contredit le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc ici, l'auteur, rahimahullah, il nous cite ce verset dans ce chapitre pour nous montrer un point important. Pourquoi ? Parce que ce verset, en réalité, il a été révélé concernant les hypocrites qui vivaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Ils vivaient à Médine avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces hypocrites-là avaient quelques caractéristiques. Parmi leurs caractéristiques, le fait qu'ils favorisaient, ils préféraient le jugement du Tarout au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc tout ce qui va contredire le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala rentre dans le Tarout. Et donc ici, concrètement, l'auteur, il nous met en garde contre le fait de ressembler aux hypocrites. Le fait de favoriser le jugement du Tarout au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc ici l'auteur rahimahullah, à travers ce verset du Coran, il nous appelle à prendre le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toute chose, dans toute affaire, que ça soit dans nos actes d'adoration ou alors dans nos échanges mondains que l'on va avoir, que ce soit au travail, le commerce ou autre. Nous devons donc prendre le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme juge. Naam. Ensuite, l'auteur qui nous dit rahimahullah, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ. Lorsqu'on leur dit « Ne semez pas la corruption, le désordre sur terre », ils disent « Certes, nous sommes des muslihoun, des gens qui font le bien ». Et donc ça aussi, ce verset a été révélé concernant les munafiqoun, concernant les hypocrites. Et donc ce sont des gens qui, parmi leurs caractéristiques, le fait qu'ils font le mal, mais lorsqu'on leur dit d'arrêter de faire le mal, d'arrêter de semer le trouble, la discorde, de la corruption, eh bien ils disent, nous ne faisons pas de mal, nous faisons du bien. Et donc ça c'est la situation, ce n'est pas que la situation des hypocrites, c'est la situation de toute personne qui fait le mal, qui sème le désordre, c'est la situation de tout innovateur. Tout innovateur, lorsque tu viens les voir pour leur dire arrêtez vos innovations, ils te disent mais nous faisons du bien, innama nahnu muslihoun. Va demander à un tablieri, tu lui dis regarde, tu appelles des gens à rentrer dans ton mouvement tablier, à faire des innovations, à faire de la da'wa sans science. Sans avoir appris l'islam, tu vas prêcher des gens à l'islam que tu ne connais pas. Des gens qui rentrent dans ton groupe et ensuite qui vont rejeter des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala dit qu'il s'est établi sur son trône. Cette personne qui rentre dans votre groupe va ensuite rejeter cet attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala, va rejeter les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala, le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ne vois-tu pas le mal que tu fais? Il te dit innama nahnu muslihun, certes nous ne faisons que du bien, on appelle des gens à l'islam, on vient en Martinique, on fait la da'wa. La ilaha illallah. Et donc ça, c'est la situation de tout innovateur. Tu ne vas pas trouver un innovateur qui va te dire « Attention, Indek, attention, méfie-toi de moi. Moi, tu me vois, moi, je suis un moubtadir, un innovateur. Je suis un égaré. Il faut que tu te méfies de moi. » Tu ne vas pas trouver ça. Tu ne trouveras pas cela. Et donc, il est important que le musulman fasse attention. De qui il prend sa religion? De comment il prend sa religion? C'est très important. Barakallahu fikum. Ensuite, l'auteur, il continue, rahimahullah, et il dit, il cite la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, « Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha » Et ne semez pas la corruption sur terre. Après que le bien y fut propagé. Et d'ailleurs, ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, après avoir cité ce verset, il dit وَدَعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا, et invoquez-le par crainte et désir. Crainte de son châtiment et désir de sa récompense. Tabaraka wa ta'ala. إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Et donc, au cher frère, barakallahu fikoum, le cher Ubayd al-Jabiri, rahimahullah, il nous cite dans son explication de ce livre, Kitab al-Tawhid, que, en réalité, le fait de semer le désordre sur terre va se faire de deux manières. Premièrement, le fait d'inciter les gens à délaisser le Tawhid pour les amener vers le polythéisme. Ou alors, inciter les gens à délaisser la sunna pour les amener vers l'innovation. Et comme est grave cet agissement, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit inni, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Allah tabaraka wa ta'ala a dit wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, certes j'ai créé tous mes serviteurs étant monothéistes purs, hunafa'a. وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينَ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ. Et certes, les diables sont venus à eux et ils les ont éloignés de leur religion. وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ. Et ils leur ont interdit ce que je leur ai rendu autorisé. وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا. Et ils leur ont ordonné donc de m'accorder comme associé ce dont je n'ai fait descendre aucune preuve. Et donc, méditez, barakallahu fikoum, sur ces gens donc, qui vont autoriser ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit et interdire ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a autorisé. Comme est grave cet agissement. Et ceux qui vont les suivre en cela vont commettre quelque chose de terrible pour eux-mêmes et pour tous ceux qui vont les suivre. Et donc, on comprend aussi la lourde responsabilité qu'a l'enseignant, l'imam. Celui qui parfois va montrer aux gens ce qui est licite et ce qui est interdit et ce qui est illicite. Il est très important qu'ils comprennent, qu'il enseigne aux gens ce qu'Allah a rendu licite et ce qu'Allah a rendu illicite. Car cette position est lourde et cette responsabilité est lourde. N'appelle personne à te suivre dans la désobéissance à Allah. Tabaraka wa ta'ala. La deuxième façon de semer la corruption sur terre, le fait de propager les péchés, la turpitude, la fornication, le vol, le meurtre, etc., etc., etc. Et donc tout cela est formellement interdit. Les gens se concentrent plus sur les péchés, la fornication, etc. Ah, comme un mal, un tel propage la fornication, il propage le vol, il propage le braquage. Mais ils ne se concentrent pas sur ceux qui propagent les innovations dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, et la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, afa hukm al-jahiliyyati yabghun. Est-ce que c'est le jugement de la jahiliya, la période anti-islamique qu'ils veulent? Est-ce que c'est ce qu'ils veulent? Lorsqu'on leur dit, call Allah, call Rasulullah, et qu'ils n'acceptent pas, Tariq, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez le jugement de la période anti-islamique? Et donc il y a en cela, dans ce verset, le fait de répliquer fermement à ceux qui délaissent le jugement d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et qui favorisent le jugement anti-islamique. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, wa an Abdillah ibn Amr radiallahu anhuma, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Et d'après Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun d'entre vous n'aura la foi tant que ses désirs ne seront pas conformes à ce avec quoi je suis venu. Donc le Coran et la Sunna. Et donc ce hadith, barakallahu fikoum, il est faible. Ce hadith, il est faible, même si Ibn Rajab al-Hanbali, il a montré donc que ce hadith, la signification, le sens du hadith est correct. Donc le hadith, il est faible, mais son sens est correct. Donc nous devons, barakallahu fikoum, c'est-à-dire que nous devons faire en sorte que ce que nous aimons soit conforme à la législation, soit conforme au Coran et à la Sunna. Nous aimons ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime. Nous devons aimer ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime. Et ça, c'est la foi. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre, وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوكَ وَالْعِسْيَانِ. Et il vous a fait détester la الكفر, la mécréance, وَالْفُسُوكَ, la grande transgression, وَالْعِسْيَانِ, et la désobéissance. Et donc nous ne devons pas aimer ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'aime pas. Et celui qui trouve le contraire dans son cœur, alors il doit se soigner. Il doit tout faire pour se soigner. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, à la fin de ce chapitre, wa qala al-Sha'bi, kana bayna rajulin min al-munafiqin wa rajulin min al-yahudi khusuma. Fa qala al-yahudi, natahakamu ila Muhammadin li'annahu 'arafa annahu la ya'khudhu ar-rishwa. Wa qala al-munafiq, natahakamu ila al-yahudi li'ilmihi annahum ya'khudhuna ar-rishwa. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون الآية. Et donc Al-Sha'bi qui dit qu'il y avait donc un conflit entre un homme parmi les hypocrites et un homme parmi les juifs. Il y avait un conflit entre deux à Médine. Alors celui qui faisait partie des juifs, il dit, viens, on va voir Mohammed, on le prend comme juge dans notre conflit, parce que ce juif-là, il savait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'acceptait pas ar-rishwa. Il n'acceptait pas ce qu'on appelle donc en français des pots de vin. Et le munafiq, l'hypocrite, quant à lui, il a dit, on va voir les juifs, on va prendre les juifs comme juges d'entre nous dans notre affaire. Parce que lui, il savait que ceux-ci, ils acceptaient ar-rishwa, les pots de vin. Et donc, ils se sont mis d'accord sur le fait d'aller voir un voyant à Juhayna et de le prendre comme arbitre, comme juge dans leur conflit. Et c'est là que la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, a fut descendue. « Elam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila ta'ut. » Donc le verset qu'on a vu au tout début de ce chapitre, « Ne vois-tu pas ceux qui prétendent qu'ils ont eu la foi en ce qui a été descendu sur toi et ce qui a été descendu avant toi ?» Ils veulent prendre le Tarout comme juge. Et donc, certes, ici, ce texte, il est faible. La chaîne de transmission de ce texte est faible. Et le texte qui vient après, lui aussi, il est faible. Je vais quand même le lire. Lui aussi, il est faible. Les deux textes que l'auteur, rahimahullah, il cite à la fin de ce chapitre, les deux textes sont faibles. Il dit, « Waqil, il fut dit, « Nazalat fi rajulayn ikhtasama » que ce verset que je viens de citer, ce verset, il a été révélé par la cause de deux hommes qui avaient un conflit. « Faqala ahaduhuma » L'un d'entre eux a dit, « Natarafa'u ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam » Et donc, on prend le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme juge. « Waqala al-akhar ila Ka'b ibn al-Ashraf » Et l'autre, il a dit, on prend plutôt Ka'b ibn al-Ashraf comme juge, pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Thumma tarafa'a ila Umar » Donc, ensuite, à la fin, les deux sont donc allés voir Umar par rapport à leur conflit. « Fadhakara lahu ahaduhuma al-qissa » Et donc, l'un d'entre eux l'a cité, l'histoire de leur conflit. فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يَرْضَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكَذَلِكَ Alors à ce moment-là, Omar, il a dit à celui qui n'était pas satisfait de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme juge, Omar lui a dit, est-ce que c'est vrai? Et l'homme, il a dit, na'am, il a dit, oui, c'est vrai. فَدَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ Alors Omar, à ce moment-là, il l'a frappé de son épée et l'a tué. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les deux textes sont faux. Donc là, on ne peut pas attribuer cela à Omar. Et on ne peut pas attribuer donc cet agissement-là à Omar radiallahu anhu. Donc les deux textes sont faux et les textes qu'on a vus précédemment dans ce chapitre montrent clairement donc l'importance de prendre Allah tabaraka wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme juge dans nos affaires, dans toutes nos affaires, dans notre vie, que ce soit les actes d'adoration ou autre. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا